Chapitre 201. La sunna avant et après le maghrib. Il a été rapporté de façon authentique par Omar et Aïcha dans les chapitres précédents que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, accomplit ses deux unités de prière facultatives après le maghrib. 1122. Selon Abdullah ibn Mughaffal, radiyallahu anhu, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit: priez deux unités de prière facultatives avant le maghrib. Il le répéta trois fois, alayhi salatu wassalam, ajoutant après la troisième, si vous le voulez. Al-Bukhari. 1123. Anas radiyallahu anhu a dit: j'ai vu les plus grands compagnons du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, s'empresser vers les piliers de la mosquée pour accomplir les deux rak'at avant la prière du maghrib. Al-Bukhari. 1124. Anas radiyallahu anhu a dit: nous accomplissions du vivant du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, deux rak'at après le coucher du soleil, juste avant la salat du maghrib. On lui demanda: le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, les accomplissait-il également? Il répondit: il nous voyait faire, alayhi salatu wassalam, mais sans nous l'ordonner, ni nous l'interdire. Muslim. 1125. Anas radiyallahu anhu relate ceci. À Médine, après l'appel à la prière du maghrib, les gens se hâtaient vers les piliers de la mosquée pour y accomplir deux unités de prière. Ceux qui accomplissaient cette sunna étaient si nombreux que l'étranger qui entrait dans la mosquée pensait que le maghrib avait déjà été accompli. Muslim. 1126.